Bon, dis-moi, sauf que ça suffit comme ça. Ça fait 2 heures qu'on joue à ce jeu idiot. Tiens, qu'est-ce qu'on joue au ciné-club ce soir? Marie-Laure, regarde dans le journal. Je regarde quoi? Ce qu'on donne au cinéma ce soir. Tu es sourde ou quoi? Regarde, il y a des nouveaux films. Ce soir, on joue le génie de Claire. Le génie de Claire? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne sais pas lire? Ce n'est pas le génie de Claire, c'est le genou de Claire, d'Éric Rohmer. Tout le monde connaît ça, c'est un vieux film. Le genou de Claire. Il faut dire que c'est un drôle de titre. Et pourquoi pas le pied de Claire, ou la cheville de Claire, ou l'orteil de Claire? Bon, eh bien, moi, je trouve que ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Moi, je trouve que ça suffit comme ça. Bon, eh bien, moi, je trouve que ça suffit comme ça. Ça fait 2 heures qu'on joue à ce jeu idiot. Ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures qu'on joue à ce jeu idiot. On joue à ce jeu idiot. Est-ce que Mireille veut continuer à jouer au portrait? Non, elle trouve que ça suffit comme ça. Ça fait longtemps qu'il joue au portrait. Oui, ça fait 2 heures. Tiens, Marie-Laure, regarde dans le journal. Regarde dans le journal. Dans le journal. Regarde dans le journal. Tiens, Marie-Laure, regarde dans le journal. Je regarde quoi? Je regarde quoi? Ce qu'on donne au cinéma ce soir. Ce qu'on donne au cinéma. Ce qu'on donne au cinéma. Ce soir. Ce qu'on donne au cinéma ce soir. Tu es sourde ou quoi? Tu es sourde? Tu es sourde? Tu es sourde ou quoi? Tu es sourde ou quoi? Regarde s'il y a de nouveaux films. Regarde s'il y a de nouveaux films. Au cinéma ce soir, on joue le génie de Claire. Ce soir, on joue le génie de Claire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas le génie de Claire. Ce n'est pas le génie de Claire. C'est le genou de Claire. C'est le genou de Claire. Idiote. Idiote. C'est un vieux film. Qu'est-ce qu'on joue au ciné-club d'après Marie-Laure? Le génie de Claire. Est-ce que c'est vraiment le titre du film? Quel est le vrai titre? C'est le genou de Claire. C'est un film récent. Non, c'est un vieux film. Le genou de Claire, le genou de Claire, il faut dire que c'est un drôle de titre. Un drôle de titre. Un drôle de titre. C'est un drôle de titre. Il faut dire que c'est un drôle de titre. Il faut dire que c'est un drôle de titre. Pourquoi pas le pied de Claire, ou la cheville de Claire, ou l'orteil de Claire? L'orteil de Claire, l'orteil. Ou la cheville, la cheville. Ou le pied de Claire, le pied. Pourquoi pas le pied de Claire? Ou la cheville de Claire? Ou l'orteil de Claire? Thank you.